9. Quelques jours s'écoulèrent de ces jours malins qui semblent prendre plaisir à contrecarrer les projets des faibles mortels. Il fit un temps abominable, puis les travaux des champs nécessitèrent une surveillance particulière, et c'est ce moment-là que l'intendant de Malissoff choisit pour tomber malade. Notre ami passa de tristes soirées, seul dans le petit salon de sa mère, à interroger l'avenir et à douter du bonheur. Chacun n'a-t-il pas fait sur lui-même l'expérience que par les jours de pluie, l'âme est spécialement disposée aux impressions mélancoliques? Enfin, le soleil sortit des nuages et Malissoff fit atteler pour se rendre chez Madame Berlaguine. C'était un dimanche soir vers 6 heures. La terre, reposée par les pluies, reverdissait de toutes parts, le regain promettait d'être superbe, et la moisson rentrée mettait au cœur des paysans une sécurité qui se reflétait sur leurs visages. Malissoff traversait les villages prospères où les enfants barbotaient dans les flaques d'eau, vestiges des ondées précédentes. Les vieillards, assis sur les bancs de bois, devant les cabanes, regardaient s'ébattre la jeunesse. On avait accroché au madrier la longue balançoire sur laquelle s'entassent les fillettes en chantant en chœur, pendant que les garçons vêtus de chemises rouges, le chapeau de feutre rond et plat couronné de plumes de paon fièrement campées sur l'oreille, les balancent doucement en mesure des heures entières. Malissoff regardait en passant ces tableaux de la vie agreste et se demandait si le bonheur de ces hommes n'était pas supérieur à celui des citadins quand ils atteignent à grand-peine quelque but d'ambition ou d'intérêt. Il se sentait redevenir simple lui aussi, au milieu de cette simple nature, et Eugénie lui parut 100 fois plus aimable encore quand elle lui apparut à la fenêtre du salon de sa mère, au milieu des arbustes verts qui encadraient la façade. À peine descendu de voiture, il remarqua sur les traits de la jeune fille un air de tristesse qui ne lui était pas habituel. Elle avait pleuré, car ses yeux étaient légèrement battus et quelques rougeurs marbraient ses joues veloutées. Après les questions préliminaires, Malissoff essaya de s'enquérir discrètement de ce qui avait pu arriver dans la journée, mais Madame Berlaguine ne se laissa point percer. Elle aussi avait quelque chose d'insolite dans son apparence. Sa rudesse naturelle, ordinairement cachée sous une épaisse couche de politesse affectueuse, se laissait deviner plus qu'il n'eût fallu. De plus, au lieu de se livrer, comme de coutume, à des allées et venues sans fin pour les devoirs de l'hospitalité, elle ne quittait pas le salon, elle surveillait attentivement sa fille avec des yeux sévères. Malissoff était fort intrigué, et pour cette fois, toutes ses finesses diplomatiques paraissaient devoir être perdues. Enfin, Madame Berlaguine sortit du salon, et avant qu'il eût le temps d'ouvrir la bouche, elle appela sa fille au dehors. Eugénie obéit, s'excusant d'un mot, et abandonna le diplomate à ses perplexités. Un moment, il eut envie de prendre son chapeau et de s'en aller, mais la vue de la disgrâce où Eugénie était évidemment tombée lui inspira la pensée qu'il pourrait être utile, et il resta. Un chuchotement irrité dans la pièce voisine indiquait que Madame Berlaguine grondait sa fille. On a beau ne pas vouloir écouter en de pareils cas, l'oreille se tend d'elle-même et acquiert une acuité prodigieuse tout à fait involontaire. Il entendit donc, sans préméditation aucune, cette phrase qui semblait terminer une longue admonestation. « Je ne veux pas de lui, entendez-vous, et vous ferez ce que je vous ai commandé, sans quoi je vous mettrai en pension à l'étranger et vous ne me reverrez jamais. » Eugénie rentra presque immédiatement. Elle était devenue très pâle, ses yeux semblaient agrandis, elle marchait péniblement, les mains pendantes. Malissoff se leva pour courir à elle. D'un geste, elle l'arrêta, et levant sur lui ses yeux pleins d'un feu sombre, « Voulez-vous faire un tour de jardin, monsieur ?» lui dit-elle. Il s'inclina en silence et la suivit. Elle se dirigea vers le vieux bosquet, entra sous le couvert des grands tilleuls, et s'assit sur un banc de bois vermoulu qui faisait le tour de la rotonde. « Vous avez du chagrin, mademoiselle ?» dit Malissoff, profondément remué à la vue de ce désespoir digne et muet. « Oui, » répondit-elle, et ses grands yeux se fixèrent un instant sur lui, pour retomber ensuite mornes et éteints vers la terre. « Vous ne pouvez pas ignorer combien je vous suis attachée, » reprit Malissoff. « Parlez-moi franchement. » « Dites-moi si je puis quelque chose pour vous. » Elle le regarda, puis baissa la tête et ne répondit pas. « Je vous aime, » dit-il. Il se reprit, car la circonstance lui paraissait peu propre à un aveu d'amour. « Je vous aime tendrement. Je serai pour vous un ami véritable, le meilleur, le plus sûr. »« Est-ce vrai ? » fit-elle, avec une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. Le soleil traversait horizontalement le bosquet. Ses rayons entraient par la porte taillée dans la verdure et jetaient un large faisceau lumineux sur le gravier. Toute la nature était en fête. La gaieté des beaux soirs d'été se répandait jusque sur l'herbe où bruissaient les cigales. Anton Petrovitch se leva et s'approcha d'Eugénie. « Le meilleur ami, reprit-il, le plus sûr. Je vous aime plus que moi-même et je ne peux pas vous voir souffrir. Confiez-vous à moi, mon enfant. » À mesure qu'il parlait, il sentait une douleur amère lui mordre le cœur. Le chagrin d'Eugénie n'était pas un chagrin puéril. Quelle cause, alors, avait altéré si profondément ce doux visage? Le mot « mon enfant » vint à ses lèvres naturellement, mais avec un arrière-goût d'amertume. Eugénie le regarda longuement, scrutant ses traits. Il était debout devant elle, attendant sa réponse. Elle se jeta dans ses bras, blottit sa tête sur le cœur de Malissoff et se mit à pleurer. Il la tenait serrée contre lui. C'était elle qu'il avait rêvé de nommer sa femme. Elle s'abandonnait en toute confiance. Et pourtant, non seulement il ne ressentait pas de joie, mais il éprouva un déchirement douloureux qu'il savoura un moment avec une sorte de volupté amère. « C'est donc là le bonheur qui m'était réservé, » se dit-il. Il fit asseoir la jeune fille auprès de lui sur le banc, prit une de ses mains dans les deux siennes et lui parla d'une voix douce et caressante. « Contez-moi vos peines, » lui dit-il. « Ayez confiance. »« Vous m'aimez, vous, » dit-elle, en levant vers lui son visage inondé de larmes. « Ma mère ne m'aime pas. Elle n'aime que son orgueil et son ambition. « Calmez-vous, » interrompit Malissoff. « Votre mère ne vous aime pas comme vous désirez être aimée, et pourtant elle a pour vous une grande affection. Elle veut me voir riche, occupant un haut rang. Ces choses ne sont pas faites pour moi. Je ne les aime pas. » Malissoff soupira. Elle était bien telle qu'il la voulait. Fallait-il que cette fleur des champs ne s'ouvrît pas dans son jardin ?« Depuis que vous êtes venue, » reprit Eugénie, « ma vie a été très dure. Avant, tout allait bien, on me laissait tranquille, et depuis... » Elle rougit, s'arrêta et voulut dégager sa main, que Malissoff retint doucement en lui disant « On m'a considéré dans le pays comme un parti convenable, et l'on a voulu vous forcer à m'envisager de même. » « Oui, » répondit-elle rassurée en se voyant comprise, « on m'a ordonné d'être aimable avec vous. Ce n'était pas difficile, » ajouta-t-elle avec un sourire angélique, qui toucha Malissoff presque jusqu'aux larmes. « Vous êtes si bon !»« Mais ce n'était pas ce qu'on voulait de moi. On voulait me voir coquette. On me reprochait de ne pas chercher à vous plaire. » « C'était une bien plus sûre coquetterie, » dit Malissoff à voix basse. Elle le regarda étonnée, il sourit et lui fit signe de continuer. « Je ne voulais pas vous plaire, moi, » dit-elle en s'animant. « Je trouve que c'est mal de donner des espérances que l'on ne veut pas réaliser, et puis quand bien même vous m'auriez préféré aux autres. » Elle rougit et perdit contenance, puis reprit. « Moi, je ne pouvais pas. Je n'étais pas. » Elle retira vivement ses deux mains, en couvrit son visage. « Vous aimez quelqu'un, et vous lui avez promis de l'épouser, » dit Malissoff sans émotion apparente. Depuis le commencement de leur entretien, il s'était préparé peu à peu à cet aveu, et le choc lui fut à peine sensible. « Oui, » dit-elle avec feu, « j'aime Nicolas Markov. Vous l'avez vu, vous avez pu vous apercevoir de ce qu'il vaut. Mais vous ne savez pas quel cœur est le sien. Personne ne le sait, excepté moi. Depuis 2 ans, il travaille pour moi, il se prépare une position, il passe les jours et les nuits au travail. À force de courage et de patience, il a obtenu une place dans l'administration des chemins de fer. Une petite place, c'est vrai, mais enfin de quoi vivre ? « Il n'a rien, » continua-t-elle en tournant vers Malissoff son visage ingénu, resplendissant d'orgueil féminin. « Son père a vendu son bien l'année dernière. C'était Nicolas qui le lui avait conseillé pour payer de vieilles dettes, des dettes du temps où il était hussard. « Mon père, lui disait-il, je ne pourrai pas manger une bouchée de pain que vous récoltez sur vos terres tant que vos créanciers ne seront pas désintéressés. Il y en avait de ces créanciers qui avaient depuis longtemps renoncé à leur argent. Devenus tout à fait pauvres, ils ne se souvenaient plus du vieux Marcof que pour le blâmer comme un malhonnête homme. Nicolas n'a pas voulu qu'une âme au monde pût dire un mot contre son père. On a vendu le bien et tout est payé. Le vieillard vit d'une petite rente qu'il s'est conservée et qui mourra avec lui, mais Nicolas n'a plus rien, rien que sa grande âme et son intelligence. Et quand il est venu tantôt me demander à ma mère l'a chassé, oui, Anton Petrovitch, elle l'a chassé, parce qu'il est pauvre. Et je l'aime, moi, cet homme pauvre, et je serai sa femme, ou bien je mourrai. Elle s'était levée, et l'indignation la grandissait d'une coudée. Malissov la regarda longtemps, puis la tira à lui par les deux mains et déposa un baiser paternel sur son front. « Vous serez sa femme, je vous le promets, et vous vivrez de longues années. »« Ah ! » s'écria-t-elle en lui jetant soudain ses deux bras autour du cou. « Comme je vous aime ! Je vous aime comme un père !»« Comme un père, hélas !» Pendant qu'il lissait de sa main paternelle les beaux cheveux dérangés dans ce brusque mouvement, une larme, unique et brûlante, tomba sur la tête inclinée d'Eugénie. Elle ne la sentit pas, et rien ne troubla sa joie. « Qu'est-ce que nous allons dire à ma mère ? » reprit-elle au bout d'un moment. « Dites-lui que je vous ai témoigné beaucoup d'estime et d'affection, et que j'ai l'intention de revenir bientôt pour parler avec elle d'affaires sérieuses, » répondit Malissov, redevenu diplomate. Elle le regarda d'abord d'un air de doute, puis comprit et sourit. Une réflexion lui vint, cependant, et la rendit sérieuse. « Mais vous, Anton Petrovitch, dit-elle, on disait que vous vouliez vous marier. « Je serai parfaitement heureux si vous êtes heureuse, lui dit-il en toute sincérité. Et maintenant rentrons. » Le cœur maternel de Madame Berlaguine s'épanouit ce jour-là d'une manière inusitée. L'entente la plus cordiale régnait entre la fille et le riche prétendu. Ils se souriaient à travers la table, s'envoyaient des regards émus. Le timbre même de leur voix avait quelque chose de tendre et de vibrant. Quand Malissov fut parti, la bonne mère interrogea sa fille, mais celle-ci n'avait pas l'habitude de faire des réponses détaillées et elle ne put obtenir d'autres renseignements que les phrases convenues avec le diplomate. 10. Anton Petrovitch rentra chez lui dans un état d'esprit tout particulier. Pour la première fois de sa vie, il éprouvait une véritable jouissance à se sentir souffrir. Le souvenir d'un premier amour, d'une coupe brusquement retirée à ses lèvres 22 ans auparavant, lui revint avec une douceur inusitée. Sa situation actuelle n'était pas sans analogie avec celle où il s'était trouvé alors. Alors aussi, il avait cru toucher de la main son rêve, mais les années lui avaient apporté, avec la sagesse et la modération, cette profondeur d'impression qu'ignore la jeunesse. Il aimait maintenant, comme il n'avait jamais cru aimer, et voilà qu'il avait renoncé à son amour sans lutte, sans révolte, à la première sommation du destin. Cette période de stupeur et de résignation ne fut pas longue. Bientôt, une voix s'éleva en lui et cria « Pourquoi est-ce moi qui renonce aux joies de la vie ? Pourquoi ne serait-ce pas elle ? Serait-ce la première à avoir épousé un autre homme que celui qu'elle aimait ? Sa destinée avec moi ne sera-t-elle pas plus belle et plus enviable qu'avec son pauvre employé ? Je puis lui donner tous les biens qu'elle ignore, haute position, toilette, bijoux, chevaux, ce que procure la fortune et le dévouement d'un époux bien épris. Elle aura tout, et nous verrons si, ambassadrice à Paris ou à Rome, elle se souviendra encore du pauvre gratte-papier Nicolas Marcof. » Il parcourait sa chambre à grands pas, menaçant du geste la destinée ennemie. Son agitation tomba, et il s'assit. « Oui, se dit-il, sa mère la jette dans mes bras. Le monde me la donne, mais qu'adviendra-t-il si je la prends malgré elle ? Pendant que je dormirai, heureux et fier, elle passera ses nuits à pleurer, étouffant ses sanglots, et pensant à l'humble demeure qu'elle aurait partagée avec celui qu'elle aime. Que lui importeront alors le luxe dont je l'aurai entouré, les jouissances d'amour-propre sur lesquelles on se blase si vite, les triomphes du monde pour lesquels elle ne se sent pas née ? Et si je m'éveille et que je la trouve en larmes, pleurant son rêve brisé par moi. Est-ce elle, est-ce lui, est-ce moi, que je tuerai pour mettre un terme à ce supplice ? J'ai promis, se dit-il, je tiendrai. Maintenant que je connais la vérité, je ne puis jamais être heureux. Qu'elle soit heureuse, elle, à qui la vie n'a pas encore donné de trop rudes leçons. Il descendit dans le jardin. La nuit était avancée. Déjà une raie plus pâle à l'orient indiquait l'aube. Il marcha quelque temps dans les allées humides et fraîches, puis rentra chez lui. Il écrivit un billet à Nicolas Markov pour le prier de passer chez lui sur le champ, dépêcha un express et se jeta sur son lit au moment où le soleil paraissait au bas de l'horizon. Le messager trouva Markov sur pied, quoiqu'il ne fût guère plus de 7 heures du matin. Lui non plus n'avait pas passé une bonne nuit. Il fit seller un cheval, laissa un mot pour Madame Pajarov avec l'ordre de le lui remettre à son réveil, et partit en toute hâte, fort étonné et un peu inquiet. Malissov dormait quand il arriva, mais le bruit léger des sabots du cheval dans la cour le réveilla. Il fut prêt en un clin d'œil et se rendit dans le salon pour recevoir son hôte. « Vous m'excuserez de vous avoir dérangé de si bonne heure, » lui dit-il en lui tendant la main. « Mais l'affaire qui nous occupe est trop grave pour admettre des délais. » Markov s'inclina en silence. « Madame Berlaguine, à ce que j'ai appris, » continua Malissov, « ne vous voit pas d'un bon œil. »« Permettez, » dit le jeune homme en se levant, « ceci me regarde. »« C'est Mademoiselle Berlaguine qui me l'a confié. » Markov se rassit en se mordant la lèvre. « Mademoiselle Eugénie veut bien m'honorer de sa confiance. Je crois être le seul à qui elle ait jamais mentionné votre nom. D'ailleurs, je serai bref de peur de malentendu. En 2 mots, monsieur, elle vous aime, et je l'aime. » Les deux hommes se regardèrent fixement, comme 2 ennemis, pendant 1 seconde, puis le regard de Markov perdit son expression menaçante pour devenir triste et amer. « L'avantage est de votre côté, monsieur, » dit-il. On me la refuse et on vous l'accorde. Je la respecte trop pour l'enlever. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait venir, à moins que ce ne soit pour jouir de votre triomphe. « Je vous ai dit qu'elle vous aime, » répéta Malissov. « Donc l'avantage est de votre côté et non du mien. Je vous ai également avoué que je l'aime, mais ce n'était pas pour le motif que vous m'attribuez. Si vous l'aimez véritablement, si vous connaissez son caractère, c'est à vous de juger s'il sera meilleur pour elle de vous choisir à ma place. Si vous vous sentez capable de supporter avec elle une vie de lutte et de pauvreté, si vous êtes sûr de l'aimer assez pour qu'elle ne regrette jamais de vous avoir choisi, je me retirerai. Mais avant de vous décider, prenez le temps de vous demander si pour son bonheur à elle, il ne serait pas préférable qu'elle fût ma femme. » Markov resta silencieux pendant un instant, puis il leva son beau regard viril sur Malissov. « Vous êtes un homme de bien, monsieur, » lui dit-il. « Nous ne sommes pas accoutumés dans la société à voir les hommes se préoccuper du bonheur de leurs femmes. Mais la réponse que vous me demandez est toute faite dans mon cœur depuis 2 ans. Je ne puis être heureux sans Eugénie, et je suis également persuadé qu'elle ne saurait être heureuse sans moi. Un cœur comme le sien ne se donne qu'une fois, et ce cœur m'appartient depuis qu'il s'est senti battre. Quant à la différence de nos positions, elle est grande, mais Eugénie n'a jamais élevé ses regards au-dessus de ce que nous pouvions espérer ensemble. Donc, les biens que vous pouvez lui offrir n'existent pas pour elle, qui ne doit jamais les connaître. » Un peu trop phraseur, pensa Malissov, mais le sentiment est sincère. « Soit, » reprit-il tout haut, « mais vous, n'aurez-vous jamais de regret de l'avoir privée de ses biens réels, quoiqu'il n'ait aucune valeur à ses yeux ?» Un sourire éclaira le visage de Markov, le sourire de l'amour jeune et triomphant, qui méprise les obstacles et les renverse, par cela même qu'il les méprise. Ce sourire vainqueur acheva de charmer Malissov, en même temps qu'il enfonçait plus avant dans son cœur l'aiguillon de la souffrance. Ils se serrèrent fortement la main. « C'est bien, » dit le diplomate, « je retire ma demande. Désormais, vous avez en moi un ami. Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Je n'en sais rien, » répondit Markov, avec cette franchise qui le rendait si sympathique. « Peut-être ne pouvez-vous rien du tout ?» Malissov pensa qu'il pouvait toujours lui faire avoir une bonne place, mais il garda sa réflexion pour lui. « Où en êtes-vous » dit-il, « avec Madame Berlaguine ?»« Dans les plus mauvais termes, » répondit le jeune homme qui ne put réprimer un sourire. « À présent que j'ai un allié, je puis me permettre d'en rire, mais je ne riais pas hier soir. Elle m'a positivement défendu de me montrer chez elle, et m'a juré que tant que j'y serais, elle ne mettrait pas les pieds chez Madame Pajarov. »« C'est net, au moins, » dit Malissov. est-elle entêtée ? Marcof fit un geste d'assentiment très énergique. Alors il n'y a pas à espérer qu'elle change d'avis ? Ce n'est pas probable. Mon père a vendu son bien l'année dernière, comme vous le savez peut-être. Auparavant, elle me recevait assez volontiers, et je crois que j'aurais pu être agréé alors. Mais depuis... Il acheva sa phrase avec un geste de la main plus éloquent que les paroles. « De sorte que si vous voulez épouser Mademoiselle Eugénie, il faudra l'enlever, » glissa doucement Malissoff. Marcof resta soucieux. « C'est une grosse affaire, » dit-il enfin, « mais Madame Pajaroff me l'avait déjà conseillé. »« Ah !» fit Malissoff, qui ne put s'empêcher de rire. « C'est qu'elle n'y va pas par quatre chemins, ma vieille amie !» Les nouveaux alliés déjeunèrent ensemble et combinèrent un plan qui ne pouvait manquer d'obtenir le plus brillant succès. Après le déjeuner, Marcof retourna chez la bonne Madame Pajaroff pendant que Malissoff s'en allait chez les Berlaguine. Bien lui prit de ne pas avoir eu le temps de s'apitoyer sur lui-même. Il s'épargna ainsi une foule de douleurs inutiles. Une fois sa résolution prise, d'ailleurs, il avait l'habitude de ne plus revenir sur le passé. 11. La maison Berlaguine dormait du sommeil de l'après-midi. Les domestiques, aussi bien que les maîtres, s'étaient étendus n'importe où, le plus possible au frais, bien entendu, et les antichambres sonores retentissaient de ronflements mélodieux. L'arrivée d'Anton Petrovitch troubla cette quiétude, et la valetaille s'enfuit de tous côtés, jusque dans la pièce réservée aux femmes de chambre, où résonnèrent bientôt des gloussements de poules effarouchées. « Seigneur mon Dieu !» grommela la vieille femme de charge au cocher de Malissoff, qui conduisait lentement à l'ombre ses chevaux essoufflés. « Qu'est-ce qui prend votre maître de se promener à travers champs, à l'heure où tous les chrétiens se reposent de la chaleur du jour ?»« Ah bien oui !» répondit le cocher. « S'il n'y avait que cela, on dit chez nous que le maître a passé la nuit à se promener soit dans l'appartement, soit dans le jardin. Il faut qu'il soit joliment amoureux de votre demoiselle pour en perdre ainsi le sommeil. » Vous aurez bientôt une noce, à ce que je pense. » Pendant que ces propos et d'autres s'échangeaient dans les communs, Madame Berlaguine, les yeux encore gonflés de sommeil, mais le cœur encore plus gonflé d'impatience joyeuse, entretenait dans le salon une conversation aussi décousue que peu intéressante avec Anton Petrovitch. Celui-ci, les yeux fixés sur la porte, attendait l'entrée d'Eugénie pour aborder le sujet de sa visite. La mère s'en aperçut et sonna deux fois pour qu'on prévînt sa fille. En réalité, elle n'ignorait pas que la pauvre enfant était livrée aux mains d'un demi-quarteron de femme de service qui la parait en toute hâte d'une robe blanche fraîchement repassée. Elle fit enfin son apparition et, sans trouble cette fois, marcha droit à Malissoff qui lui tendait la main. Un sourire furtif, accompagné d'un léger mouvement qui signifiait « déjà », récompensa celui-ci de son empressement. Elle s'assit et tout le monde attendit. « Madame, » dit Malissoff, « vous avez bien voulu me témoigner quelque estime. Mademoiselle, votre fille, me témoigne de son côté un peu d'amitié. Voulez-vous remettre son sort entre mes mains ?» Madame Berlaguine porta son mouchoir à ses yeux. De vraies larmes d'orgueil et de tendresse débordèrent sur ses joues. « Ah, cher Anton Petrovitch, avec quelle joie ! Qui plus que vous est digne de ce trésor ? « Votre confiance en moi est donc absolue. Vous êtes sûr que je ne puis rien vouloir que ce qui est bon pour votre fille. »« Est-ce que cela se demande ?» s'écria la mère avec transport. « Il n'est pas difficile de voir que vous l'aimez à la folie. » Eugénie pâlit et regarda Malissoff. Celui-ci fit bonne contenance et cacha sa blessure sous un sourire engageant. « Alors, chère madame, vous me donnez plein pouvoir sur elle. » « Cela va de soi ?» dit Madame Berlaguine, un peu étonnée de cette insistance. « En ce cas, continua Malissoff, permettez-moi de l'accorder en mariage à l'homme qu'elle préfère, à celui qui, bien mieux que moi par l'âge et les goûts, semble fait pour elle, à un homme que j'estime et que je traiterai comme mon fils, à un Nicolas Marcof. « Lui !» s'écria Madame Berlaguine en bondissant, « vous vous moquez de moi, monsieur Malissoff, et vous, fils en pudeur, qui complotait avec des étrangers contre le repos de votre mère. » Eugénie s'était levée aussi, instinctivement, pour éviter le bras menaçant de sa mère, en ce moment fort rapproché de sa joue. Elle se serra contre Malissoff, qui passa un bras autour d'elle. « Vous me mettez dans une étrange position, madame, » dit-il avec calme. « Veuillez remarquer que c'est moi, étranger, comme vous le dites, qui protège actuellement votre fille contre votre fureur. »« Vous êtes un malhonnête homme !» dit entre ses dents madame Berlaguine, dont la colère venait de tomber pour faire place à une rage concentrée. « Vous avez compromis ma fille par vos visites. Tout le district parle de son prochain mariage avec vous. »« Ce n'est toujours pas moi qui ai fait répandre ce bruit, » dit Malissoff avec calme. « Le bruit en court, cependant, par vous ou par d'autres, et aujourd'hui, après l'avoir compromise, vous offrez à votre place je ne sais quel vaurien. »« C'est l'homme que j'aime, ma mère, » dit Eugénie, le front haut, en avançant le pas. « Cet homme vaut mieux que nous. » Elle n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Un soufflet retentissant lui coupa la parole. Malissoff replia ses deux bras sur elle et cacha sur son épaule la joue outragée. « Madame, » dit-il, « vos droits de mère vous restent. Vous pouvez en faire usage. Mais jusqu'à ce que vous ayez recouvré la possession de votre jugement, je crois qu'il est opportun de mettre votre fille à l'abri de vos violences. » Il prit son chapeau, et tenant toujours la jeune fille embrassée, il l'emmena jusque sur le perron. Le cocher attendait à deux pas en arrière. Sur un signe de son maître, il fit avancer sa calèche. Malissoff y monta, y porta presque Génie, et partit sans mot dire au grand ébahissement de la Valtaille. Au bruit des roues, madame Berlaguine, qui n'avait pas compris la véritable signification des paroles du diplomate, arriva en courant sur le perron, mais pour voir la calèche disparaître au détour du chemin dans un nuage de poussière. Pendant la route, nos deux voyageurs échangèrent peu d'idées. Eugénie n'avait pas de chapeau et le soleil lui brûlait la tête. Malissoff fit relever la capote et tous les deux souffrirent grandement de la chaleur. Enfin, grâce aux excellents chevaux du diplomate, la maison de madame Pajaroff apparut au bord de la route en moins de temps qu'il ne l'avait supposé. À l'apparition d'Eugénie, sans chapeau, en robe blanche, avec une ceinture bleue, une joue très rouge et l'autre très pâle, madame Pajaroff comprit qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire, et sans pousser d'eau ni d'a, elle fit entrer ses visiteurs dans le salon, dont elle referma la porte elle-même. Mais au moment où ils entraient à gauche, à droite paraissait Marcof, qui, de sa fenêtre, avait vu arriver cette étrange compagnie. Ils restèrent tous les quatre, pétrifiés. Le premier mouvement des amants avait été de courir l'un à l'autre, mais la présence de Malissoff arrêta cette impulsion si naturelle. Il les embrassa du regard, et refoulant une fois de plus l'amertume au fond de son âme, il prit Eugénie par la main. « Je vous la donne, » dit-il à Marcof. « Soyez heureux. » Les deux jeunes gens se touchèrent timidement la main, puis Marcof, enhardi, saisit celle de la jeune fille, et tous deux, d'un même mouvement, se mirent à genoux devant Malissoff comme devant leur père, pour recevoir sa bénédiction. Il les bénit et les releva, puis sans parler, leur indiqua le jardin. Ils sortirent tous deux, les mains toujours enlacées, et la porte se referma sur leur jeune ivresse. Malissoff, toujours muet, s'assit et cacha dans ses mains son visage décomposé. Sa vieille amie s'approcha de lui et, muette aussi, lui posa la main sur l'épaule. Il se retourna. « J'ai eu, pendant un instant, la pensée de l'emmener chez moi, » dit-il. « Je suis heureux d'avoir résisté. »« Dieu vous bénira, » dit madame Parajoff. « Vous êtes un homme de bien. » Malissoff lutta un moment avec une émotion insurmontable, puis il refoula les larmes jaillissantes, pressa sa main sur son cœur qui lui faisait cruellement mal et fit deux tours dans l'appartement. « Ce n'est pas tout, » dit-il quand il put parler. « Qu'allons-nous faire? Sa mère l'a frappée. Si elle retourne chez elle, ce mariage ne se fera jamais. »« Naturellement, » dit madame Parajoff. « Aussi, elle n'y retournera que mariée. Je prends tout sur moi. » Elle sonna, un domestique parut. « Va me chercher le prêtre, » dit-elle. 20 minutes après, le prêtre entra. C'était un bon vieillard, un peu sourd, débonnaire, au point qu'on eût inventé l'adjectif pour lui s'il n'avait pas existé. Il entra, salua et s'assit, le tout avec un sourire qui lui eût fait des amis parmi les loups des forêts. « Écoutez, père André, » dit madame Parajoff, qui avait repris la rondeur de ses allures. « Voici qu'il nous arrive quelque chose de bien extraordinaire. Ma voisine et amie, madame Berlaguine, avait l'intention de marier sa fille, Eugénie. » Le père André sourit et cligna de l'œil dans la direction de Malissoff. « Non, » continua la bonne dame, pas à ce monsieur, mais au jeune Markov. C'est pour cela que j'ai fait venir ce jeune homme ici, il y a une huitaine de jours. La noce devait avoir lieu à l'église de Madame Berlaguine, et le jour était fixé pour dimanche. Mais son prêtre a été obligé de partir pour un petit voyage. Ces jeunes gens sont impatients, vous comprenez, et nous avons pensé que vous consentiriez à les marier chez moi. « Parfaitement, » dit le père André, donnant en plein dans le panneau. « Mais Madame Berlaguine me charge de la remplacer. Vous connaissez les jeunes gens, vous n'avez pas besoin de papier, je suppose. À quoi bon ? » dit le vieillard en souriant. « Des enfants que j'ai vus naître. » « C'est moi qui remplace la mère. Monsieur Malissov sera le père d'honneur de la fiancée, et nous les marions ce soir à 7 heures. »« Ce soir ? » fit le prêtre, un peu surpris. « Oui, Monsieur Malissov doit partir demain pour un long voyage, et comme il a promis de servir de père à la jeune fille, nous sommes obligés de nous presser. » « Je vous serai reconnaissant de ce service, mon père, » dit Malissov en tendant la main au vieillard. Dans sa main, il y avait un billet de 100 roubles qu'il fit passer dans celle du père André. Celui-ci, qui connaissait la fortune et la générosité de son riche voisin, n'eut pas un soupçon, se confondit en remerciements, en salutations, et rentra chez lui dire à sa femme de lui préparer ses plus beaux habits. Quand il fut sorti, malgré la gravité de la circonstance, les deux complices ne purent s'empêcher de rire. « Bien joué !» dit Madame Parajov. « Edin !»« Maintenant, Madame Berlaguine pourrait avoir l'idée de venir chercher sa fille, et je ne la lui conseille pas, car, ma parole d'honneur, je lui rendrai le soufflet qu'elle a donné à cette pauvre génie. Mais ça ferait peut-être du bruit. « Je vais lui envoyer Pélagie, » dit Malissov, « avec mes chevaux, pour perdre moins de temps. »« Non pas !» interrompit la vieille dame. « Pélagie raconterait demain que vous l'épousez et que vos chevaux étaient votre cadeau de fiançailles. Avec les miens, s'il vous plaît. » En moins d'un quart d'heure, une petite calèche, attelée d'une troïka agile, emmena Malissov vers la demeure de l'aimable demoiselle. « Anton Petrovitch !» s'écria Pélagie du plus haut de sa voix. « Lui-même, ma chère voisine, je viens à vous comme on vient au saint, quand on a une grâce difficile à obtenir du bon Dieu. » Enchantée de la comparaison, Pélagie déploya toutes ses dents dans son plus beau sourire. « Je me suis un peu querellé avec Madame Berlaguine, » continua le diplomate. Pélagie ouvrit des yeux ronds comme ceux d'un hibou. « Je suis persuadé que vous seul au monde pouvez faire ma paix avec elle. Je vous supplie de lui dire que je suis au désespoir de ce qui s'est passé et que j'implore son pardon. Mais allez-y tout de suite, je vous en prie. »« Sans dîner ?» fit la vieille fille, chez laquelle la gourmandise et la curiosité se livraient un terrible combat. « Oui, cher ami, reprit Malissov en lui serrant la main. « Vous dînerez avec elle. Vous savez qu'elle dîne à 6 heures, mais il n'y a pas un moment à perdre. Madame Pajarov vous envoie ses chevaux afin de ménager les vôtres. « Allons, j'y vais, » soupira Pélagie. « Mais que s'est-il donc passé ?»« Madame Berlaguine vous le dira. Hâtez-vous, chère demoiselle. »« Vous n'épousez pas Eugénie, au moins, » s'écria tout à coup la jalouse Pélagie. « Je vous donne ma parole d'honneur que je ne l'épouse pas, mais pour l'amour du ciel, par charité chrétienne, hâtez-vous de finir mes tourments. »« Je voudrais bien pouvoir finir de même tous vos tourments, » lui jeta Pélagie par-dessus l'épaule avec un regard de coquetterie consommée pendant qu'il la mettait en voiture. « Où faut-il vous donner la réponse ?»« Chez Madame Pajarov, » dit Malissov, qui avait fait ses comptes. Pendant qu'il revenait à pied chez sa vieille amie, il se livra encore une fois à cet exercice de calcul mental. « Il est 5 heures, se dit-il. Pélagie sera là-bas dans 1 heure. Elles se chamailleront pendant 20 minutes, faute de s'entendre. Elles s'expliqueront pendant 20 autres minutes, ce qui fait 40. 1 heure pour revenir, cela fait 2 heures 3 quarts. Si elles ne perdent pas leur temps à manger, elles arriveront pour la fin de la cérémonie. » 12. Après un dîner auquel personne ne toucha, sauf le général qui, éveillé en sursaut et forcé de se sangler dans son uniforme, essayait vainement de rétablir par l'exercice de la table le courant de ses idées encore mal débrouillées, les hôtes de la maison Pajarov se réunirent dans le salon. Eugénie, toujours vêtue de sa robe blanche, un peu fripée à vrai dire, s'était laissée mettre au cou et aux oreilles les diamants de sa vieille amie. « Je ne les porterai plus, » lui avait dit celle-ci. « Je suis trop vieille et je n'ai pas d'enfant. Porte-les, ma mignonne, pour l'amour de moi. » On avait exhumé de quelques tiroirs mystérieux un voile de tulle, peut-être celui qui avait paré la tête de la vachère achetée à Pélagie, et de véritables fleurs d'oranger avec leurs feuilles cueillies en hâte dans l'orangerie formaient une couronne pittoresque mille fois plus élégante que la guirlande traditionnelle. La fiancée avait pleuré, ses yeux étaient rouges, mais toutes les fiancées ne pleurent-elles pas? Le fiancé était très pâle, mais très résolu. Si sa belle-mère avait essayé de s'opposer au mariage, il l'aurait très probablement jeté par la fenêtre, avec le seul regret de penser que le rez-de-chaussée n'était pas assez élevé pour qu'elle se fît sérieusement mal. Les voitures roulèrent devant le perron. Le général effrayé se précipita au dehors, acquit la persuasion que ce n'était pas Madame Berlinguine, et fit monter tout le monde dans les équipages. L'église était illuminée, le chœur des chantres faisait merveille, la fiancée s'avança, conduite par Malissoff, qui mit lui-même sa main dans celle du fiancé. Celui-ci l'emmena à l'autel, déjà sienne, celui qui la lui avait donnée venait de renoncer à elle, à jamais. Pendant la cérémonie, les portes se fermèrent bruyamment à deux ou trois reprises, et toutes les têtes se tournèrent aussitôt vers le fond obscur de la petite église. Ce n'était qu'une fausse alerte. Dans son émotion, Madame Pajarov n'avait cessé de pincer fortement le bras de Malissoff, qui en garda un bleu pendant quelques semaines. Lorsque les époux, les couronnes d'or en tête, eurent fait le tour du pupitre consacré, elle relâcha ses doigts crispés au grand soulagement du diplomate. « Elle peut venir à présent, » dit la bonne dame presque à haute voix. « Ils sont mariés, irrévocablement. » La cérémonie s'acheva paisiblement. Les noms des époux inscrits au livre de la paroisse, les salutations d'usage terminées, on se remit dans les équipages. L'usage veut que les époux partent au grand galop et arrivent avant les autres à la maison nuptiale, où les attend la parente qui doit leur souhaiter la bienvenue. Craignant la rencontre avec Madame Berlinguine, Malissoff avait accompagné Madame Pajarov. Tous deux reçurent les mariés et leur offrirent le pain et le sel. On leur apporta du vin de champagne, mais au moment où le général portait le verre à ses lèvres, la voix de Pélagie se fit entendre. « La noce est finie ? Finie ? Une noce ? Sans moi ?» La porte s'ouvrit toute grande et Madame Berlinguine parut sur le seuil. Elle jeta autour d'elle un regard haineux et, apercevant sa fille dans son blanc costume, elle s'avança sur elle avec tant de rapidité que le petit domestique porteur du plateau de vin de champagne s'en alla rouler contre un fauteuil avec sa charge, qui se brisa à grand fracas. Marcof se précipita au-devant d'elle, protégeant sa femme de son corps. « Vous ne la frapperez pas une seconde fois, madame, » dit-il. « Je viens d'obtenir le droit de la défendre, même contre vous. »« Misérable !» fit la belle-mère. « Vous me l'avez volée !»« Je vous demande pardon, madame, » dit Malissoff en s'avançant. « Vous me l'aviez donné, mais Monsieur Marcof était plus digne que moi. » Madame Berlinguine, dans sa rage impuissante, se tordit les mains, poussa un cri et s'abandonna à une véritable attaque de nerfs. Les attaques de nerfs ont la précieuse propriété, quand elles ne sont pas jouées, de détendre tout l'organisme et d'amener forcément une réconciliation. Après avoir bien crié, bien battu son gendre et le général qui tentait de la secourir, la mère infortunée finit par s'adoucir sous l'influence d'une carafe pleine d'eau que Madame Pajarov lui versa sur le visage jusqu'à la dernière goutte. Les larmes vinrent, puis la réconciliation attendue. Pélagie, au fond, était enchantée. Malissoff restait disponible. Aussi se hâta-t-elle de faire demander d'autres vins de champagne. « Nous n'en avons pas bu, » dit-elle. « Il faut pourtant boire à la santé des mariés. » C'est dommage que Madame Berlinguine ait renversé la première tournée, ajouta-t-elle en contemplant les débris avec regret. Tant mieux, lui répondit Madame Pajarov. Le verre cassé porte bonheur. 13. Pendant que la famille si singulièrement formée se livrait aux douceurs de la réconciliation, Malissoff s'en retournait chez lui, seul, dans la nuit fraîche et étoilée. Au détour de l'avenue, il se retourna pour regarder la maison. Les fenêtres du salon, vivement éclairées, faisaient une rangée de trous lumineux sur la façade. Et plus loin, dans le pavillon détaché, abrité par les arbres noirs du grand jardin, une lumière allait et venait, on préparait la chambre nuptiale. Malissoff s'abreuva de cette amertume tant que la faible lueur brilla à travers les buissons du petit bois. Puis il poussa un soupir et se laissa aller dans le fond de la calèche. Rentré chez lui, il congédia tous ses gens, prit une lumière et s'en alla dans le boudoir de sa mère dont il ferma la porte. La lueur de la bougie dansait au plafond noirci, les ombres des objets se projetaient longues, démesurées, sur les vieux lambris, sur le vieux papier poussiéreux et triste. Malissov s'assit au piano. La première note qu'il effleura du doigt lui entra dans le cerveau comme un coup de poignard. Il se leva, ferma l'instrument et ouvrit la fenêtre. La grosse branche de tilleul faisant ressort le frappa au visage. Il recula d'un pas, triste au fond de l'âme, et joignit les mains devant cette fenêtre béante, ouverte sur la nuit noire, où les arbres lui cachaient les étoiles, où tout était ténèbres et deuil. Est-ce là, se dit-il, la récompense d'une bonne action? Dois-je souffrir comme un damné pour m'être montré honnête homme? Ne se moque-t-il pas de moi là-bas, pendant que je suis seul ici et malheureux? Si je pouvais oublier, s'écria-t-il, en pressant ses mains jointes sur son front brûlant. Une idée lui vint, il sonna. Les gens endormis ne répondaient pas. Il traversa la maison d'un pas irrité et réveilla le sommelier. « Du vin !» lui dit-il en le secouant rudement. « Du vin de champagne, des liqueurs, du porto, tous les vins que nous avons à la cave. Apporte-moi des bouteilles et des verres. » Le vieux sommelier le regardait avec étonnement. « Du vin, maître » dit-il. « À cette heure de la nuit, vous qui ne buvez pas, fais ce que je t'ordonne !» répliqua durement Malissov. Le vieillard secoua tristement sa tête grise et descendit à la cave. Malissov était retourné dans le boudoir. Debout, devant la fenêtre, il plongeait ses regards désespérés dans la nuit noire. Le bruit des verres s'entrechoquant sur le plateau le fit retourner. « Où faut-il les mettre, monsieur ? » dit le sommelier. « Excusez-moi, je n'étais pas entré ici depuis la mort de votre digne mère. C'est sur cette table ronde qu'on a mis les images pendant ces derniers moments. « Emporte tout cela dans la salle à manger, » dit Malissov, redevenu maître de lui. Il prit la lumière et montra le chemin à son vieux serviteur qui se retira après avoir tout arrangé pour la commodité de son maître. Resté seul là aussi, Malissov ouvrit la fenêtre. Il étouffait partout. Prenant un couteau, il fit sauter le goulot d'une bouteille de champagne et versa la mousse pétillante dans un verre. « À la santé des nouveaux mariés !» s'écria-t-il d'un air moqueur. À peine ses lèvres avaient-elles effleuré le bord du verre qu'il s'arrêta, sa main redescendit lentement vers la table. Il regarda autour de lui, frissonna, saisit la bouteille et le verre et les lança dans le jardin par la fenêtre ouverte. « Soyons hommes, se dit-il, et sachons supporter la souffrance. » Il prit la bougie et passa dans son cabinet. Des livres de tout genre gisaient épars sur le bureau. Il en prit un, c'était un livre d'histoire, le feuilleta et le reposa en hésitant. Un traité de physique se trouva sous sa main, il l'ouvrit, prit une feuille de papier, s'assit devant le bureau et se mit à poser des chiffres. Il travailla ainsi 2 heures, puis la fatigue se fit sentir, il se leva, s'étira longuement et se rendit dans sa chambre à coucher. Un petit portrait de sa mère était suspendu à la muraille. Il le baisa pieusement et le regarda longtemps d'un air satisfait. « Je puis embrasser ma mère sans rougir, se dit-il, je suis sauvé. » Il se coucha et dormit du sommeil qui suit les grandes fatigues. 14. Il fallait bien revoir le jeune couple, cependant. Après quelques jours, Malissov se rendit chez Madame Pajarov, porteur de bonnes nouvelles. « Voici mon présent de noces, dit-il à la jeune femme en lui remettant une enveloppe. C'était une lettre d'un haut fonctionnaire ami de notre diplomate. Plusieurs places étaient vacantes et Marcof avait le choix entre 2 ou 3 positions également faites pour lui plaire. « Je ne rougis pas d'accepter, » dit-il en serrant la main de son bienfaiteur. « Après la première obligation que je vous ai, les autres ne sont que peu de choses. » Eugénie souriait. Ses regards émus allaient de l'un à l'autre de ces 2 hommes dont l'un lui était aussi cher qu'un père et dont l'autre était pour elle l'incarnation du bonheur et de l'amour. Ils partirent pour Pétersbourg et s'y installèrent modestement. L'hiver venu, Anton Petrovitch ne tarda pas à les y rejoindre. Madame Berlaguine, un peu rancunière, avait lésiné. Le jeune ménage n'était pas bien riche, bien des conforts manquaient dans ce pauvre nid. Grâce à Malissov, un piano y fit son apparition. Des fleurs, des arbustes verts ornèrent les fenêtres. Une chaise longue vint s'offrir à Eugénie pour y reposer les fatigues de sa jeune maternité. Malissov passait là une ou deux bonnes soirées toutes les semaines. Il devait être parrain l'été suivant, et déjà les cadeaux de toute espèce destinés aux filleuls attendus s'entassaient dans les armoires quand il reçut une lettre de Madame Pajarov. « Je vous sais assez de courage, lui disait-elle, pour envisager avec calme une éventualité pénible. On parle beaucoup ici de vos assiduités près de Madame Markov. Pélagie, inconsolable de votre départ, a tourné allègre. Elle raconte que vous comblez Eugénie d'attentions délicates, que ce bébé, grâce à vous, sera riche avant de naître, que vous faites bien d'ailleurs, le premier de tous les devoirs étant de réparer noblement ses fautes. Je vous donne ces calomnies pour ce qu'elles valent, et je ne crois pas qu'elles vous laissent indifférents. Vous trouverez, j'en suis persuadé, un moyen de les mettre à néant. » La lecture de cette lettre plongea Malissov dans un profond chagrin. L'amour qu'il avait eu pour Eugénie s'était épuré en passant par le creuset du sacrifice. Certes, il l'aimait, mais peut-être plus comme sa fille que comme une jeune femme aimable. La maternité prochaine la rendait encore plus inviolable à ses yeux. C'était une sorte d'égide faite pour arrêter les mauvaises pensées. Fallait-il donc renoncer à la joie de voir ce bonheur s'épanouir, œuvre de ses mains pieuses? Fallait-il s'en aller seul à travers la vie, tandis qu'il s'était fait là une famille dévouée, qui l'adorait? Il hésita quelque temps, puis se rendit au bureau de Markov, afin de le trouver seul, et lui mit la lettre dans les mains. Le jeune homme la lut, pâlissant de colère, et la froissa avec fureur sans mot dire. Malissov lui tendit la main, et Markov la serra fortement dans les siennes. « Vous ne le croyez pas, » dit le diplomate à voix basse. « Ah, monsieur, » répondit celui-ci, « ne me faites pas injure. » Malissov lui tendit les bras, et Markov s'y précipita en le nommant « mon père ».« Je m'en vais, » dit Malissov, quand ils eurent repris un peu de calme. « Je ne serai pas parrain de votre fils, mais il n'en sera pas moins mon héritier. » Markov voulait parler, son ami lui imposa silence. « Je n'ai plus que cette joie, » dit-il, « ne me l'enlevez pas. Je viendrai vous voir ce soir pour la dernière fois. Je prétexterai un petit voyage, et quand je serai parti, vous expliquerez à Eugénie que je ne dois pas revenir, avant que je sois tout à fait vieux, » ajouta-t-il avec un triste sourire. Il se rendit en effet le même soir auprès de Madame Markov. La soirée se passa comme à l'ordinaire. La jeune femme, gaie et confiante, causait avec abandon. À l'heure de la séparation, Malissov se leva. « Je pars pour un petit voyage, » dit-il. « Markov, me permettez-vous d'embrasser votre femme ?» Celui-ci prit Eugénie par la main et la conduisit à leur bienfaiteur. Anton Petrovitch serra sur son cœur la tête brune de la jeune épouse, déposa sur son front un baiser dont l'amertume dut lui être comptée en paradis, serra la main de l'époux et se retira. Quand il fut parti, Markov prit sa femme dans ses bras, et à son tour, c'est lui qui pleura. Malissov partit le lendemain même. L'enfant, qui s'appelait Anton, dès avant sa naissance, vint au monde. Une main étrangère le porta au baptême, mais à ses anniversaires, c'était le véritable parrain, absent et triste ces jours-là, dans les cités lointaines de l'étranger, qui lui envoyait les plus riches présents et les lettres les plus affectueuses. Mais le petit Anton ne devait pas connaître cet ami dévoué. Avant qu'il sût écrire son nom, Malissov s'était endormi du sommeil éternel et reposait sur les bords d'un beau lac dans un cimetière étranger. Pélagie est restée fille. Madame Pajarov n'a jamais cessé de lui reprocher la mort de Malissov. « Sans votre langue infernale, lui dit-elle, ils seraient tous heureux et vivants à l'heure qu'il est. » Pélagie a raconté à tout le district et a fini par persuader que Malissov est mort d'amour pour elle, faute de s'être compris. Le petit Anton est déjà grand, mais il prie soir et matin pour l'âme de son vrai parrain, Anton Petrovitch Malissov. Genève, 8 août 1876. Ici se termine Anton Malissov par Gréville. Enregistré par Christiane Jehanne.